Chers auditeurs, d'ici vous parle le podcast au Créateur. Et toutes les semaines, je citerai un post qui aura l'adoration de toute la semaine. Le post cette semaine s'appelle l'appel de Dieu, que je passerai à citer. L'appel de Dieu n'est pas obligatoirement l'acheminement pour l'Église au séminaire, si bien que ce choix-là ne soit pas de laisser de peser. Dieu est partout et l'appel de Dieu peut venir de tous les lieux et mener à tous les lieux, en inclus au enfer et au paradis de Dieu. Le chemin à suivre, c'est libre. Il n'est pas conditionné. Comme Jésus a dit, celui qui vient pour bien, il sera bienvenu. Ce sort d'appel, c'est du sort en centrissement humble. Il ne se réfère pas à aucun strate social ou religion spécifique, et pas seul proprement aux prêtres ou aux personnes liées à l'Église, parce que justement il serait admirable si l'Église faisait de tout suivre du christianisme ou d'autres religions qui prêchent la paix. Il n'est pas de nier cependant que le propos de Jésus était cela, un appel qui conduirait la population mondiale au paradis de Dieu, probablement la continuation dans la terre de tout l'homme. C'est dépendant de la conversion et salut de tout, dont, après cela, conduirait à la transformation de la terre dans un paradis ou dans une rampe d'échappe pour le véritable paradis, celui de Dieu. Et c'est la fin du poste de 6 juillet de 2016. Vous pouvez visiter aussi les deux blogs que j'ai, un dans les blogs intitulé « Au Créateur éterne », écrit en français aussi, et d'autres dans le Facebook intitulé « Au Créateur éterne au Verbe », écrit en français également. Et maintenant, je vous laisse avec musique classique dans laquelle vous irez écouter Harp Concertus, Handel Harp Concerto, opus 4, number 6. Thank you.